Radio Campus, il est 20h. C'est Pyongyang City Rockers qui est gentil, et c'est son numéro 408 qui commence maintenant. Avec ce soir autour de la table, Célia. Salut. Henri. Salut. Et Gaël, le grand retour. Avec une toux assez sèche. Le Covid en fait. Je sais pas. En vrai. Bon, bah, on verra. Et pour nous surveiller depuis son perchoir au bar, Majid, toujours présent sur les mauvais coups. The Majid, yes. J'avais prévu de passer un titre pour le dernier titre que j'avais passé la semaine dernière et puis qui avait été un peu écorniflé forcément vu qu'on parle dessus. C'est pour moi qu'il passerait ce soir, puisque c'est comme ça. Je vais faire une petite annonce de concert directement. En effet, demain soir, au bout de nos rêves, il y aura encore un concert de musique douce avec je sais pas comment ça se dit, Atomsk, Atomsk. Et en plus c'est des roast beef. Hein. Voilà, il y aura aussi Teigne et Bombsack, donc voilà, Grind et compagnie. Je pense que ça va crier assez fort. Par contre, peut-être que les sets seront pas très très longs, donc n'arrivez pas trop au tard. Il me semble que ça commence à 20h au bout de nos rêves à Grand Ramcroix, 141 Grain Route. Et puis voici donc Atomsk avec Sea of Corruption. Il nous parle de notre situation actuelle, là où nous nageons toute la journée. Atomsk. C'est 1 minute en moyenne, mais celui-là fait 1 minute juste. Bien, et bien maintenant, grâce à Célia, le grand écart. C'est ça, puis toi tu passes un morceau d'une minute et moi je vais passer un morceau de 4 minutes 11. Oh, ça arrive pas souvent. pareil, un peu de pub concert, demain c'est la release party du nouvel album de Dire, c'est à la Malterie à 20h. Il y aura aussi Baya Computer et Anomalie Magnétique. J'ai même pas encore écouté Anomalie Magnétique. Bon, Baya Computer, j'ai pas écouté non plus, mais... ça c'est R. Non. En antenne, on parlait du We Are Not Worthy. Personne dans ce studio n'est allé au We Are Not Worthy. C'est pas bien du tout. C'est mal. Enfin, c'est pas très loin de chez moi, je suis même pas au courant. Oh putain, t'avais qu'à regarder shpunk.org. Voilà. Pub. Et du coup, je vais passer un nouveau morceau de Dire qui est sorti il y a pas longtemps. Dire en plus, ils sont déjà venus jouer ici. Ouais. C'était chouette. Plusieurs fois. De nombreuses fois. Bah ouais. Voilà, je les ai vus qu'une fois. Mais... La dernière fois avec les Go-Go Boots roses. C'est ça. C'était une belle soirée. Donc on écoute tout de suite Science Fiction de Dire. Je sais plus c'est lesquels. Non, mais attends, ouais. Les gens, ils boivent une bière dans le hall et puis ils oublient de revenir. Pourquoi dans le hall? On était au bar. Ouais. Dans le hall, on peut pas. Non, ça, c'est le couloir, ça. Ouais, c'est pareil. Tu commences à parler vraiment belge, toi. C'est clair. Bref, 20h10 sur l'antenne de Campus 106,6. Excusez-nous, chères auditrices et auditeurs, on va essayer de revenir à de meilleurs sentiments. Carrément. Et oui, mais du coup, si, c'est bien moi. Mais. C'est la suite des hostilités. Donc, on a pu citer tantôt, pour continuer à parler belge, lors de la dernière émission, les Dislikes, qui avaient sorti un EP chez Pogo 77 Records. Et donc, comme son nom l'indique assez bien, eh ben, on est servi niveau punk 77, pas mal de trucs oi et street punk sur ce label, comme par exemple en 98, l'EP Shall We Pogo Dance par le groupe Shitfaced, une ref à Tankard peut-être. Bon, ouais, surtout à la cuite, à la débauche, mais c'est pareil, vous me direz. Et je vous assure qu'ils ont pondu un tube sur cet album. Pour les fans du genre, ça sonnera peut-être comme plein d'autres trucs, mais je dois avouer que c'est pas mon genre de prédilection en tout cas. Une fois de plus, un timbre de voix inoubliable, le classique oublié « We don't wanna be a punk mania » de Shitfaced. Bah voilà, putain c'est bien. Bah ouais, bah écoute, Droogies, j'avais jamais entendu. C'est bien, bravo. Bah c'est que j'écoute pas assez souvent Droogies. Et j'écoute pas assez souvent Pyongyang City Rockers non plus. Allez, moi le groupe que je kiffe pas mal ces derniers temps, ben il vient de Grèce, de Kavala. C'est tout au nord de la Grèce, juste en dessous de la Bulgarie. Il s'appelle Bulldog, bien sûr écrit en alphabet grec. Ça chante dans sa langue natale. Et ont déjà sorti deux scuds sur Randall Records. Et je les aime encore plus depuis qu'ils ont changé de label et qu'ils sont sur le label basque de Pedropa, Tough Ain't Enough. Ils ont mis en ligne un morceau qui sera sur ce nouvel album. Donc je vais m'empresser de vous faire écouter ça. C'est pas tous les jours qu'on entend du grec dans de la hoï. Le morceau s'appelle Vazoun Fotia Tis Kyriakes et ça veut dire « Ils mettent le feu le dimanche ». Sûrement un morceau sur le foot. Yeah. avec le petit branle-manche à la fin. Là, ils ont tout pompé sur Idiot Talk, on m'a dit. Non, mais bon, voilà, de toute façon, putain, ça fait 50 ans qu'on fait toujours les mêmes trois mêmes riffs. Qu'est-ce que tu veux, on les a retrouvés en tous. Il t'aurait sorti 15 groupes qui jouaient comme ça. Ouais, c'est ça. Bon. Ah ouais, la mineure, si, sol 7e. Ouais, ouais, je vois à la carte. Ouais. Eh bien, à la carte aussi, encore un groupe issu des bas-fonds de tournée, Crack Park, avec une pléiade de vedettes, ça joue. J'ai vu quelques extraits de concerts filmés dans des lieux interlopes et tournésiens, ça a l'air de bien bastonner. Il y a déjà un premier clip qui est sorti sur... Il y a Otis dedans. Ouais, il est sur YouTube. Et puis, en attendant... Oui, il est sorti en attendant un EP, 4 titres, qui est prévu pour le 26 janvier prochain. Vous êtes prévenus, hein. Ça sera sur Pygmé Records. Il y aura aussi Rock Reel Records dedans et Love Mazout, forcément, hein. Les copains. Voilà, ouais, c'est curieux. Voici donc Crack Park avec Anti-Hero. Rien à voir avec les autres, là. Les grands leaders et les grandes lyrices ont chacun et chacune un badge. Si t'as pas ton badge, t'es pas une grande lyrice. Pourtant, t'es arrivé avant épuisement du stock. Bah, on m'en a pas donné. Vas-y, vas-y. Non, j'en ai jamais. C'est peut-être un que j'ai retrouvé quelque part. J'en ai jamais eu. Ouais, non, mais voilà. T'es brimé. C'est honte à vous. Je vais fouiller voir s'il y en a pas qui traîne. Bon, bref, bientôt il y aura des badges. Peut-être même qu'on les vendra. Non, on va les donner, ouais. Ça y est. Bonjour. Bonjour. Moi, je vais vous parler de Mestiza. C'est un groupe de punk hardcore qui est basé à Barcelone, mais avec des mondes qui viennent un peu de plein d'endroits. Leur premier EP s'appelle Attaque Action, qu'elles ont autoproduit. Pour le groupe, le punk hardcore n'est pas seulement un genre musical, mais aussi un outil de lutte et de visibilité, un moyen de canaliser le mécontentement et en même temps d'être reconnaissant pour ce qu'elles ont appris et partagé en cours de route. Je trouve ça beau comme définition. Et on écoute tout de suite Camino. Ouais, mais je suis pas d'accord pour canaliser le mécontentement. Hein. Non, c'est vrai. Voilà. Enfin, ouais, on le canalise sur la gueule des flics ou je sais pas. Ça chante en quoi? En castillan ou catalan? Barcelone, catalan. Ah ouais. Je sais pas. Je sais pas. C'est quoi le titre? Camino. Camino. Ah, c'est du Castillan. Bon, du coup, j'en vois. C'est ça. On t'a cassé ta fin de... Non, bah non, non, c'était... Non, elle a déjà fini, j'avais ça fait fini, une demi-heure. Il fallait que t'envoies. 30 secondes, putain, minute. On essaie de combler, là. Allez, clic-clic. Bon, allez, on va voir à quoi. Arrive Henri ce soir. Ouais, écoute, c'est la plongée dans Pogo 77 Records, donc c'est tenu par Noriyasu Imamura, For the Fun, Up the Punks et Oi Oi Oi, comme indiqué sur leur site internet, depuis 96, et les dernières sorties sont 2023, donc j'ai bien l'impression que le label soit toujours en activité, et peut-être son groupe aussi, enfin en tout cas... Oui, son groupe, Tom and Boot Boys, ça débute en 96 et ce sera la première sortie du label Pogo 77. Bon, on va pas forcément trop s'intéresser à cette sortie, c'est assez générique à ses débuts. C'est un punk UK 82 et une tendance à crier « oi » à chaque refrain, mais avec un son déjà bien criard. Donc, bref, on va plutôt s'intéresser à un split sorti en 2010 avec le groupe The Wankees, les légendes hein, du noise punk anglais, qui font évidemment référence à The Swankees. Et on peut dire que Tom and Boot Boys, en tout cas sur cette sortie, vont à fond sur le worship de ces groupes pionniers du noise punk, avec une pochette piquée à l'éponyme de Chaos UK. Et au lieu de nous crier Kill Your Babies comme leur comparse anglais, ici, pend ton patron, t'auras ton pognon, c'est Kill Your Boss de Tom and Boot Boys. We'll be right back. avait quand même un petit son fumé là. Très japonais quand même. Japonais. Ils font tout les japonais. Hein. Ils sont bons. En même temps, mélodique et bordélique. C'est, moi, j'adore. Allez, après les japonais, après le chant en grec tantôt avec Bulldog, place maintenant à la langue catalane. Les très bons crimes sont de retour avec plusieurs morceaux qui annoncent la sortie d'un nouveau Scud le 13 novembre prochain. J'étais déjà prévu d'aller les voir en décembre à Essen. Et chez vous, je checkerai les dates de leur tournée, car sur scène, c'est ultra béton. Le morceau que j'ai avec moi s'appelle Combats d'Autogreisma. Je ne suis pas certain de la traduction, donc je vais me fermer ma gueule. 106,6 Radio Campus Lille, j'allais dire Drouguiz Radio. campuslille.com. Tout de suite, Crime Combats d'Autogreisma. C'est beau, hein, ouais. C'est Radio Campus, il est 20h32 et vous écoutez Pyong Yangsty Rockers numéro 408 qui vous emmène maintenant à Beyrouth pour rencontrer Tariban, quatuor hardcore punk qui en est à sa deuxième sortie avec un album nommé Nancy, N-A-N-S-I, je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est sorti fin septembre. Tariban font partie d'un collectif punk qui auto-organise régulièrement des concerts et autres événements dans la capitale libanaise. 2016, un collectif nommé DAGE, D-A-G-E-H, enfin c'est la transcription en caractère romain. DAGE, ça veut dire boucan en dialectal libanais. Donc on pourra trouver une interview de DAGE dans l'excellent webzine counterforce.org que je recommande à tous les gens qui n'ont pas encore été regardés, et d'ailleurs ceux qui ont déjà été regardés, il faut lire Counterforce, il y a plein de choses vachement intéressantes. C'est des Canadiens qui font ça. Notons simplement au sujet de DAGE que dans un pays voisin d'Israël est fréquemment bombardé tout à fait démocratiquement. C'est pas forcément simple de faire vivre une scène locale, que ce soit d'un point de vue sécurité physique ou d'un point de vue du fric. Tout est cher au Liban et encore plus quand la guerre menace. Je reviens donc à Tariban et à leur deuxième album. Ils disent qu'ils disent plus en prise avec la culture et la musique traditionnelle, même si à mon avis, ça s'entend pas forcément à la première écoute. En tout cas, ils prennent référence auprès de Dick Dale, américain d'origine polono-libanaise, par son père libanais, qui a donné au surf rock sa vraie dimension en y incorporant des éléments de musique orientale. Bref, voici Sous les rues, Tart Al-Turukat par Tariban, qui s'avance maintenant vers vous. La petite masse derrière là, trop bien, j'en repasserai, c'est des bons. Il y a quelqu'un qui passe des choses maintenant, madame, s'il vous plaît? Ben ouais, je sais pas. Allez. Moi je vais changer carrément de style, je vais passer du egg punk avec Peace Rules. T'en as déjà passé, j'ai vu, mais bon, ouais, je crois. J'avais quand même envie après, de venir. Moi aussi j'en ai appris du egg punk. Ouais, c'est quand même Célia qui a ramené le egg punk dans PCR, c'est vrai. Depuis, je vois ça partout. C'est pour ça qu'il faut lui filer un badge. Hein, parce que franchement, qu'est-ce que tu fous? Tu files pas de badge, là? C'est remboursé. C'est même posté sur Arte, c'est dire la consécration. Arte est la chaîne qui te dit ce qui est underground ou pas. Ouais. Egg Punk est underground, on peut en passer à PCR. C'était modérément intéressant cette émission-là, bref. C'est toujours moyennement intéressant, Arte. Quand il parle de musique. Ouais, ouais, soit. Bon, alors, Peace Rules, c'est un duo, c'est un frère et une sœur qui viennent de Bristol et de Louvain. Ils se sont formés en 2023, ils avaient sorti un premier EP en cassette l'année dernière, et là ils ont sorti cette année deux nouveaux morceaux. Le son, je le trouve un petit peu fumé aussi. Ils auraient enregistré à Tokyo, fumons. Peut-être. Ou à Bristol, ou à Louvain. Et du coup, je vais vous passer Ivin Lel. We'll be right back. très très off, très très off. Vous écoutez Pion Gangster Rockers numéro 408 à l'antenne de Campus 106,6 d'AB+, canal 7C. Oui, oui, oui, campuslille.com, je l'ai bien dit, ouais. Parfait. Bon, alors vous avez l'air d'avoir apprécié Shitface tout à l'heure, donc c'était en 98. Et donc 20 ans plus tard, j'en connais qui ont décidé de remettre une couche avec leur projet Beer Belly, littéralement bide à bière, et qui est sûrement aussi une ref à Beer Berry, un morceau de Shitface. Et en plus, ils ont complètement copié le logo de Shitface, donc voilà, c'est à peu près sûr des influences. Bon, alors je vous recommande vivement leur première sortie, comme d'habitude, et le morceau Beer and Oi, voilà, tout simplement. Bon, alors ce qu'ils ont pu sortir chez Pogo 77, donc c'est un peu introuvable, malheureusement, j'ai pas réussi à mettre la main dessus. En revanche, ils ont un split sorti en 2016, qui est trouvable assez facilement, puisque c'est sorti avec les rois du split, les Belges d'Agathoclès. Alors, une fois de plus, je sais pas trop ce qu'ils foutent là, mais vous me direz, ils splitent avec tout le monde. Agathoclès est partout. Oui, oui, bah c'est ça. Et là, ça change pas, ils font encore du mindscore là-dessus. Et on se demande ce qui se passe quand les deux faces s'enchaînent. Alors, du coup, forcément, c'est le dernier morceau qu'on retient. It's OK de Beer Belly. C'est une farce. Je te jure. Mais elle est bien, elle est bonne. Allez, demain avec mon Manu et ma femme, on se taille au Pays Basque pour aller voir la release partie du EP d'Atorena de Streetwise, qui sera peut-être même pas encore arrivé de l'usine. Mais bon, un week-end là-bas, ça se refuse pas. Le EP regroupe 4 morceaux, 3 nouveaux, un ancien qui était perdu sur une compilation que plus personne ne doit écouter. Vous savez, les compilations Ben Kemp, là, qui sont sorties il y a quelques années. Oh putain, ouais. Bon, on ne sait même plus quel label a sorti ça. Et puis, merde, c'est sorti sur quoi? Il s'appelle comment, le morceau? Bref, ça sortira sur un 10 pouces. Ça sortira aussi sur plein de labels amis, dont Mawashi Skins Records. Un peu d'auto-promo, ça fait toujours du bien. Surtout sur Radio Campus Lille 106,6. J'en place une aussi pour Droogies Radio, Streetwise, Datorena, Oi. We'll be right back. Ah, ça va. Je croyais que ça allait être un fade-out. Mais non. Bah non. Ouf. Ils en font pas, eux. Ils sortent tous des écoles de musique. Ils savent très bien que le fade-out est interdit depuis 1997. De Tout le monde n'a pas eu l'information, apparemment. Je sais pas s'il y a un fade-out, là, je crois pas. En tout cas, voici un peu d'egg-punk à la française pour suivre avec les Louvano... Bristolois de tout à l'heure. Technopolis, ils sont de Marseille. Ils ont sorti leur album Chien de la casse vendredi dernier. Non, pas dernier, dernier, vu que c'était, j'avais préparé ça pour la semaine dernière. Enfin bref, vous avez compris. Donc, il y a déjà quelques titres qui sont dispo sur le Bandcamp de Idiotape Records qui en sort royalement 30 exemplaires. Je veux dire, ça ne va jamais arriver jusqu'ici, cette affaire. Voilà, il faut avoir le bras très long. Il y aura aussi, mais dans un futur plus ou moins lointain ou proche, on ne sait pas, un vinyle chez Howlin' Banana Records, dont auquel que je ne connais pas ce label. Donc voilà, j'en ai déjà parlé, moi. Ah ouais, bah bravo. Mmh. Bien. Bah, tu vois, j'écoutais pas encore. voici donc Technopolis qui vous déclame Sortir le soin. On va peut-être presque faire un tour. Moi, je vais vous passer un groupe de punk hardcore de Richmond. Ça s'appelle Memory Loss. J'ai pas trouvé beaucoup d'infos. Le morceau que j'ai choisi s'appelle Jade. Il est sorti sur le Blackout EP. C'est un 7 pouces qui est sorti en 2016 chez Grave Mistake Records et Vinyl Conflict Records. Et voilà, on écoute ça tout de suite sur Radio Campus. Ouais. We'll be right back. logo en 4x3 là. Putain, fais chier, merde. Balance quoi. Ouais, bah, non, balance pas. Bah non, bien sûr. Pas tout de suite. Il nous reste 7 minutes, meublons-les. Oui, je vais faire agréablement. Vite. Non, t'as le temps. Non, non, vas-y. C'est bien, non, oui. Écoutez, moi, je voulais faire un petit SO à mes potos de Bavure et Cheswick qui jouent samedi, c'est ça, hein, samedi 11, au High Voltage avec les Toulousains, Toulousaines de Allusion. C'est du punk hardcore. Venez, c'est prix libre. 20h, le High Voltage, c'est en face du théâtre Sébastopol. C'est une devanture bleue. Vous devriez pas trop de mal à trouver. C'est un bon endroit, franchement. Puis il y a une belle cave. Ah oui, c'est une belle cave concert. Il y a des tour, il y a tout, il y a même des subs. Ouais, c'est un Farafina. Non. Ah, peut-être. Non, je crois pas. Oh, moi je vois. Enfin, en tout cas, ouais, c'est une enseigne bleue. Farafina, ouais. C'est bien. Rue Solferino. Ouais. Rue Solferino, 151. 151 rue Solferino, voilà, c'est ça, ah, non, merci. Si, ah bah si, ouais, si, c'est peut-être ça. Enfin bref. Voilà. Et du coup, ouais, ils iront, c'est ça. Et du coup, en plus de Bavure et Cheswick, il y aura Allusion. Et on va passer à un petit morceau qui s'appelle Blasé, qui est la dernière piste de la cassette. De la plage, il dit c'est pas la mer. Attends, il a pas commencé à dire des trucs. C'est Dead Bob qu'on entend là. J'ai quand même coupé la chic. Dead Bob qu'on retrouvera samedi au Faridi avec Oujmedova. Ouais, deuxième fois dans la région en 15 ans. Ouais. Tu vas aller les voir du coup. Allez, go, ouais. Première fois en 15 ans aussi qu'ils reviennent en Europe. Non. Dead Bob, ouais, enfin parce que. Je mets dommage. Donc, il passe tout le temps. Mais par contre, Dead Bob, c'est la première fois, vu que c'est le groupe de l'ancien batteur de No Means No. Vous entendez, ouais. Ah ouais. Ça s'entend. Voilà. No Means No américain. Canadien. Le titre, c'est No Fun. C'est la face A du 45 tours sorti spécialement pour cette tournée européenne de Dead Bob chez le gros label polonais Antena Xiku, que l'on connaît bien. Et puis, donc, ça faisait un peu japonais, Antena Xiku. C'est parce que je le fais comme ça. Voilà. Et puis, c'est sinon, avant de laisser la place à Dead Bob, et ensuite, qu'est-ce qu'il va y avoir après nous? Teeth Grinder, c'est marqué là. Le broyeur dedans. Et ensuite, il y aura B-Boy Bouillabaisse à partir de 22h. C'est sur Campus, tout ça. Nous, Pyongyang City Rockers numéro 408, c'est terminé. On se retrouve la semaine prochaine avec la visite de Astroïd pour présenter leur nouvel album. Enfin, il y en aura au moins un qui sera là. Et puis après, les autres, je sais pas s'ils suivent. Ouais. L'auberge tombe fureur. Salut Laurent. Voilà. Merde, déjà, SMS. Et dans deux semaines, on aura encore d'autres invités, mais j'ai oublié le nom, donc je vais pas m'avancer sur ces entrefaites. Je vous dis au revoir, et vous aussi. Et puis, c'est bien, je me dis pas. Vous me fatiguez, c'est parce que j'ai pas mon badge. Et on n'oublie pas. À cab. Voilà. Mais vraiment. Campus, il est 21h.